La publicité. Прослушайте текст и объясните причину недоразумения, произошедшего с Жаном Делакруа. Je m'appelle Jean Delacroix. Un jour, je quitte l'hôtel et je sors pour me promener au centre de la ville. Je fais le tour du quartier, je regarde des monuments, les vitrines des magasins. Je regarde les Parisiens qui rentrent du travail, des touristes. Voilà que je passe devant un grand restaurant dans la rue de la Paix. Tout à coup, j'aperçois un monsieur assis près de l'entrée. Il mange une grosse portion de beefsteak pommes frites. J'adore le beefsteak pommes frites. En plus, j'ai une faim de loup. Alors je décide d'entrer dans le restaurant et je choisis une table libre. Le garçon s'approche de moi et me donne la carte. Il me demande « Que désirez-vous, monsieur? De la viande, du poisson ?»« Apportez-moi de l'eau minérale, s'il vous plaît, j'ai soif. » Et apportez-moi un bon beefsteak pommes frites parce que j'ai très faim. Quelques minutes passent et le garçon revient. Il place devant moi une toute petite assiette sur laquelle je vois un tout petit beefsteak pommes frites. Mon appétit est énorme mais la portion est toute petite. Je la regarde avec tristesse. Je suis étonné et chagriné. Pourquoi est-ce que cette portion est si petite? Ce monsieur près de la fenêtre a une grosse portion. Est-ce qu'il paye plus que moi? Je crois que vous essayez de m'escroquer. Je veux parler au propriétaire. Je vous assure, répond le garçon, que je n'escroque personne. Mais en ce moment, vous ne pouvez pas parler au propriétaire. J'exige des explications, continue-je à insister. Le propriétaire est occupé en ce moment-là, répond poliment le garçon. C'est lui qui mange le gros beefsteak pommes frites.